Deuxième partie. À l'aéroport d'Orly, au contrôle des passeports. Votre passeport, s'il vous plaît. Voilà mon passeport. Merci, monsieur. Ah, vous êtes français, mais vous habitez le Canada. Oui, j'arrive du Canada. Votre passeport, s'il vous plaît, madame. Un instant, s'il vous plaît, monsieur. Il est dans mon sac à main. Ah, voilà mon passeport. Vous aussi, vous arrivez du Canada. Merci, madame. Votre passeport, s'il vous plaît, mademoiselle. Voilà mon passeport, monsieur. Et voilà mon passeport. Merci, messieurs, dames. Voilà vos passeports. Au revoir.